Je vous disais en début d'émission qu'on allait revenir sur un symposium qui s'est tenu à Alger, donc capitale algérienne, du 1er au 3 juin. Un symposium qui avait pour titre l'Afrique aujourd'hui et la pensée de Frantz Fanon. Donc, qui a eu lieu le 1er, 2 et le 3 août à la bibliothèque du Hamad, donc située à Alger. Un colloque donc sur 3 jours, placé donc sous la pensée de Frantz Fanon, organisé par le ministère algérien de la Culture et le Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique, dirigé notamment par Slimane Hachi, si ma mémoire est bonne. Alors, Aziz Fall, mon collègue du Grilla, a été invité. Tu as participé donc au panel du 3e jour, celui de, du 3. C'était quel jour, ça, le 3? C'était dimanche? C'était le dernier jour, voilà. Et tu as fait une présentation qui avait pour titre l'autonomisation politique, économique et socioculturelle d'un panafricanisme dans le sillage de Fanon au XXIe siècle. Peut-être en guise de question, peut-être introductive, redire finalement pour les auditeurs et les auditrices la pertinence de penser finalement les défis qui se posent au continent aujourd'hui, 50 ans à la fois après la déclaration de l'Organisation de l'Unité africaine, et pourquoi placer finalement l'impératif de cette réflexion à partir de la perspective de Frantz Fanon. Bon, d'abord parce que Fanon représente pour toute une génération, ceux qui ont la cinquantaine et ceux qui ont travaillé pour la libération de l'Afrique, probablement l'un des penseurs phares, une forme d'internationalisme, c'est notre Che Guevara, si vous voulez. C'est un afro-descendant qui a eu à d'abord aller lutter pour libérer la France, qui a très compris à partir de son cursus académique et psychiatrique que la libération passait par une libération individuelle, et donc la question de l'aliénation mentale l'a poussé à vouloir aller chez les colonisés, lorsqu'il comprend très bien que la France n'est pas seulement la patrie des droits humains et qu'il faudrait plutôt prendre parti pour les, ce qu'il appellera plus tard les damnés de la terre. Et c'est donc en Algérie, à Blida, qu'il non seulement approfondit tout ce qui est le domaine de la psychologie et de la psychiatrie, mais surtout qu'il participe à un engagement politique qui va permettre la libération à la fois de ce qui était pris dans le corset mental, mais la libération même au proprement parler au niveau politique, puisqu'il s'engage aux côtés des forces de libération nationale et contribue lui-même, dans ce pays qu'il a accueilli, à accueillir lui-même des combattants qui fuyaient la répression française. Et à ce moment-là, effectivement, il apparaît comme une figure emblématique. Hélas, il meurt très jeune, il meurt à 36 ans de leucémie. Et par contre, il produit 4 ouvrages en fait, principaux, essentiels, qu'il faut lire et relire aujourd'hui. Et ce que j'ai tout simplement voulu faire, sans être exégète de Fanon, c'était d'essayer d'imaginer ce qu'aurait fait Fanon s'il vivait aujourd'hui, 50 ans plus tard, donc il aurait 87 ans. Et tout ça coïncidait avec les célébrations de l'État algérien, les célébrations du cinquantenaire de la libération de l'Afrique. Et incidemment, pour nous, c'était une plateforme tout à fait inusitée, puisque Pour la Révolution africaine est un ouvrage qui commande aux Africains de se doter d'une milice d'autodéfense pour éviter la recolonisation du continent, ce qui nous a permis nous-mêmes de poser la pertinence de ce que nous proposions, c'est-à-dire un arrêt à cette recolonisation par ces bases militaires qui pullulent, et notamment l'Africom qui est en train de se redéployer. Alors justement, l'Organisation de l'Unité africaine, c'était 1963. Le rêve panafricaniste, donc si on remonte aux indépendances, c'est plus de 50 ans. Quel bilan tires-tu aujourd'hui? Tu partages le bilan qui est compris en termes d'échecs. Quelle est ta réflexion? D'autant plus que les pays africains qui accédaient à des indépendances d'abord négociées au début des années 60 avaient quand même à confronter un ordre mondial qui leur était très adverse. Écoutez, nous sommes en train de parler de situations qui ont dramatiquement avancé. Au moment où nous parlons, Nelson Mandela est entre la vie et la mort. C'est l'expression même des avancées politiques. C'est-à-dire que nous avons obtenu pendant ces 50 années des avancées politiques qui sont probablement l'expression même de sa propre personnalité. Ceci dit, ces victoires politiques ne peuvent pas être achevées ni dans le sens où, d'une part, l'avènement des micronations n'a pas constitué des libérations totales. Elles ont été en fait des moments qui nous ont permis d'être rapidement en différenciation les uns de l'autre, essayer de cristalliser la nation, et ça a été une partie du problème. Et d'autre part, si on veut mesurer ces progrès à l'aune de ce que le panafricanisme aurait dû être, c'est-à-dire une des formes de confédération ou d'intégration, là, force est d'admettre que la route est extrêmement longue et qu'au contraire, on a plutôt assisté à une régression. Et donc, c'est pour ça que le bilan est plutôt critique. C'est-à-dire, d'un côté, oui, nous avons fait des avancées spectaculaires, même au niveau des infrastructures, du développement, etc. Hélas, le taux de croissance de l'Afrique reste inférieur à ce qu'il devrait être. Pourquoi ? Parce qu'elle est restée enfermée dans une division internationale du travail qui est tout à fait injuste, et parce que l'essentiel de nos leaders, cooptés par cet ordre, ont refusé, un peu à l'instar du groupe de Monrovia, qui a été celui qui a cautionné la partition et la débandade à contre-courant du panafricanisme, parce que ce groupe dominant a gagné et encore est triomphant à l'ordre du jour de la construction africaine. Donc Fanon, probablement prémonitoire, avait non seulement vu cela, mais expliqué que si nous ne nous désaliénons pas, si nous ne faisons pas cette révolution culturelle, si nous n'avançons pas vers une libération réelle, individuelle et collective, il est clair que le panafricanisme ne pourrait pas être honoré. C'est pour ça qu'il chérissait l'esprit d'Accra. C'est pour ça, comme Mehdi Ben Barka, comme d'autres, comme Patrice Lumumba, il était convaincu que l'ordre mondial voudrait l'Afrique sans les Africains, l'Afrique des ressources. Et c'est hélas ce à quoi nous assistons aujourd'hui. La Tunisie et l'Égypte ont réhabilité il y a 2 ans l'impératif révolutionnaire contrarié lors des indépendances. Mais aujourd'hui, quels sont à tes yeux les phénomènes ou les forces qui se dressent pour entraver le processus qui conduirait peut-être les peuples à de véritables avancées populaires? Quels sont les défis qui se posent actuellement aujourd'hui, sur lesquels table l'impérialisme pour revenir sur quelques-uns des acquis populaires qui ont été initiés à la faveur des révoltes qui ont eu lieu notamment au Maghreb il y a 2 ans? Alors c'est ça, vous avez raison de dire qu'il s'agissait de révolte et non de révolution, puisqu'en réalité, ces accès sont à la fois une conjonction de la sénilité de régimes qui ont été longtemps soutenus sous perfusion, qui étaient les modèles mêmes de l'ordre comprador, c'est-à-dire d'un ordre subordonné à l'ordre mondial, et le fait qu'ils aient été lâchés par leurs parrains, qui leur préfèrent désormais d'autres forces qui sont capables à la fois de freiner les avancées populaires qui sont tout à fait réelles dans le cadre des pays cités et d'ailleurs ailleurs en Afrique, en les freinant, ces forces à caractère obscurantiste qui ont une conception culturaliste du politique, ce qui ne les empêche pas d'avoir le droit d'exister. Donc les partis politiques islamistes ont le droit d'exister, je crois, dans la sphère de l'arène politique. Le problème, c'est que ils sont compatibles avec l'ordre impérialiste et même ils font leur jeu. Et beaucoup plus gravement, en faisant ce jeu du néolibéralisme, ils freinent les avancées populaires. Ce faisant, ces avancées, à ce moment-là, sont possiblement infléchi vers d'autres trajectoires, ce qui peut freiner le changement progressiste tel que nous l'espérions. Alors justement, est-ce qu'il n'y a que les forces religieuses qui freinent ces avancées populaires? Et comment voit-il également la question de la diversité culturelle, ethnique, qui est de plus en plus exploitée par les forces impérialistes? Et le panafricanisme doit répondre à ce défi qui est celui de la diversité culturelle, la reconnaissance des minorités. Quelle est ta réflexion là-dessus? Parce qu'on pourrait croire, a priori, c'est sans doute une lecture schématique, que dans une vision panafricaine, il risque d'avoir une forme d'uniformisation qui ne tient pas compte précisément de cette diversité. Je sais que ta réflexion est complexe là-dessus, mais il faudrait quand même... Non, elle n'est pas si complexe. Enfin, même, elle est très simple. J'ai eu à livrer en Algérie, puisqu'on m'en a donné l'opportunité, dans des entrevues en dehors de ce que j'avais à dire, que la première impression que l'on a, c'est que lorsqu'on parle de panafricanisme, l'aspect englobant donnerait l'impression que seraient érodées ou édulcorées les portions ethniques. Et j'expliquais qu'en réalité, la préservation des identités passait par des grands ensembles. C'est l'uniformisation dans un ordre mondial qui est injuste, qui empêche véritablement que les expressions culturelles diverses fonctionnent. Et je donnais l'exemple que ce qui fait la richesse d'un tableau, c'est la perspective que le peintre ait toute la palette, d'accord ? C'est-à-dire que vous avez toutes les composantes. Et ce que l'Afrique a, c'est une palette, un véritable kaléidoscope de culture et de différenciation qui, en même temps, ont tout le même élément commun. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les confondre avec un caractère asiatique ni occidental. Et c'est ça qui définit cette africanité. Cette chose, si par contre, elle était sublimée, c'est-à-dire si les sociétés comprenaient la richesse qu'il y aurait d'avoir une synergie qui préserverait cela, bien sûr, nous irons beaucoup plus vers l'avant. Mais cet aspect n'est qu'un aspect du développement, c'est-à-dire que le développement, il est avant tout culturel. Lorsque nous réconcilions le fait que c'est nos valeurs d'échange, nos sens de solidarité qu'il faut reconstituer, à ce moment, les barrières ethniques, comme sur les questions dont on parlait tout à l'heure, les Afar et les Issa, c'est une vieille histoire qui remonte aux années 60-70, leur récurrence aujourd'hui arrive parce que l'implosion de l'État érythréen, le fait que lui-même fait partie de cette instrumentalisation par certaines forces qataries, israéliennes, américaines, dans le Golfe, le pourrissement de la situation en Somalie, fait qu'effectivement, dans cet endroit qui est le socle même de l'Organisation de l'Unité africaine, la question culturelle est au cœur même de l'enjeu de l'unification du continent. Voilà pourquoi il faut urgemment qu'il y ait une redécouverte de la marge de manœuvre de l'État et que cet État renonce à des prérogatives pour laisser un ensemble continental se construire. Voilà. Moi, je voulais revenir un peu à France Fanon, si Mouloud est d'accord avec. Voilà. Mouloud, ok. Voilà, je voulais poser une question par rapport à France Fanon. Vous avez parlé tout à l'heure de l'aliénation des Africains qui est un blocage à la libération même des Africains. Comment ça se manifeste aujourd'hui? Parce que là, on a cette pression impérialiste. Et puis là, comment se manifeste cet autre côté, ce corset psychologique? Il est très fort. Il est extrêmement pernicieux. On peut le prendre par différentes façons. D'abord, par la façon par laquelle, je donne quelques exemples, la dépigmentation, qui est un phénomène classique par lequel on peut dépeindre la dépersonnalisation, mais aussi la griffe, lorsqu'on s'habille griffé avec des labels, par exemple, lorsqu'on veut nécessairement singer les critères de beauté des plus puissants, en oubliant même que tout l'artifice qu'on impose fait partie d'un système qui est un système d'aliénation. Donc quand des jeunes, les jeunes de la SAP par exemple, aujourd'hui s'habillent griffés, ne comprennent même pas la profondeur de leur aliénation. Mais beaucoup plus que ça, l'américanisation très avancée, c'est-à-dire la tentative de voir uniformiser sur un mode de consommation, un mode de vie qui ne correspond pas véritablement aux réalités quotidiennes, mais qu'il y ait cette torsion de la réalité quotidienne pour pouvoir vivre, tout ça, c'est des nouveaux éléments qui viennent se superposer à d'autres plus anciens. À l'époque de Senghor, de Césaire, de Fanon, il s'agissait pour ces générations de prouver, par un problème de complexe d'infériorité et de supériorité, de prouver qu'ils étaient les égaux des Occidentaux. Là, c'est beaucoup plus pernicieux. On est à d'autres générations, donc une deuxième, troisième génération, qui a non seulement pas réussi à se désaliéner complètement, et qui s'est vue superposer, vu qu'il n'y a pas eu cette désaliénation, superposer d'autres strates à un moment où la mondialisation donne l'impression d'homogénéiser les consciences avec le mythe de l'hégémonie. C'est l'hégémonie, on vous fait miroiter par l'aspiration à quelque chose, mais on ne peut pas le concrétiser parce qu'elle ne peut pas rendre tout le monde riche, elle ne peut pas donner les mêmes chances à tout le monde. Ce faisant, il se crée à ce moment une dépersonnalisation qui peut même aller jusqu'à la folie ou à les formes d'aliénation profonde, donc se décréper les cheveux, etc. Est-ce que ce n'est pas un processus qui est comme irréversible? On n'y peut rien avec la puissance médiatique et puis la puissance de ce qui est martelé à travers la télévision. Est-ce que finalement, ces générations d'Africains ne sont pas comme à la merci et il n'y a pas finalement il y a pas une solution pour sortir de ce système qui si, est... Si, les solutions sont les mêmes, c'est-à-dire c'est les mêmes qu'ont invoqué les ancêtres de l'avenir, comme je l'appelle, c'est-à-dire être fier de qui on est, sans narcissisme, comprendre véritablement sa culture, comprendre qu'est-ce qui fait l'africanité, comment se définir vis-à-vis de l'autre, comprendre que le métissage, l'homogénéité du monde n'existe pas. C'est tout ça sont des idées plus ou moins suprémacistes, tu vois, qui veulent faire croire qu'il y a une culture dominante. En réalité, il y a des phénomènes d'acculturation, c'est-à-dire qu'on emprunte, parfois on plagie, etc. Ce qu'il faut éviter, c'est la déculturation. C'est comment effacer sa culture, ne plus connaître qui on est, et singer l'autre qui, de toutes les façons, ne vous acceptera jamais totalement comme étant lui. À ce moment, le miroir réfléchissant vous donne une illusion d'identité qui n'est pas réelle. Donc beaucoup de ces jeunes Africains sont en réalité perdus, comme le sont perdus certains Japonais qui se débrident. Et ça ne veut pas dire que c'est fini, par contre. Est-ce qu'il y a un processus? Non, parce que Est-ce qu'on peut régler, est-ce qu'il y a une solution à cette dérive? C'est pas irréversible. C'est-à-dire que ce sont des phénomènes que Fanon a bien montré. Il s'agit de rentrer dans des phases de catharsis où d'abord on doit prendre conscience de la réalité, ensuite on doit vouloir se libérer. Quand on a cette capacité de prendre conscience de la réalité. C'est un long processus. Le système éducatif, la culture, la famille, la cohésion des groupes, etc. Tout ça joue pour que l'individu puisse avoir des démarches sur lesquelles il peut se sortir de sa condition. S'il est laissé à lui-même, si son échappatoire, c'est d'aller imiter l'autre et tenter de le devenir sans avoir finalement biologiquement, supposément, les éléments pour devenir blanc, par exemple, il est clair que Masque blanc, le livre Peau noire, masque blanc, reste d'actualité. Donc, dépeint une réalité de l'ère coloniale dans une ère qui n'est ni néocoloniale, ni même post-coloniale. C'est une ère où la modernité reste devant pour toute l'humanité et où il faut comprendre que l'occidental lui-même est assimilé dans un système d'hégémonie complexe qui est factice. La femme, les critères de beauté, sa minceur, le cosmétique, etc. Il s'agit d'un univers d'hégémonie factice fait pour une société de consommation qui elle-même est un produit hybride que le capitalisme a sécrété. Et donc c'est la dénonciation de tout cela où sont soumis les Occidentaux eux-mêmes qu'il faut faire. Donc une critique de la modernité complète. Ok, bon là maintenant, en ce qui concerne les Africains, c'est une constellation, c'est de dizaines d'États et qui sont indépendants, et finalement on parle de comment faire pour mettre ça, pour mettre ce genre d'enseignement entre guillemets dans les programmes, c'est-à-dire de comment refaire l'éducation. Alors des organisations comme le GRILA, et comment est-ce qu'il est possible effectivement d'atteindre aussi bien les autorités des États, aussi bien tous ceux qui sont responsables de l'éducation, comment est-ce que c'est possible d'atteindre ces gens pour faire passer ce message, pour faire passer cette éducation? Ben écoutez, c'est sûr qu'avec les moyens dont nous disposons, il aurait été fantastique que nous puissions influencer les gouvernements, comme vous le dites, mais dans ce quart de siècle où nous avons eu à exister, on a eu quand même à participer à la réécriture de l'histoire, à donner l'actualité scientifique de certains des penseurs progressistes, pour que ça avance. Mais c'est un effort titanesque. Il existe aujourd'hui des ouvrages complexes comme l'Histoire générale de l'Afrique, de l'UNESCO, qui ont réécrit l'histoire dans la perspective des vaincus, en montrant ce qui s'est passé. Pour nous, ce qui est important, c'est que ce moment était un moment de rappeler pourquoi les écrits de Fanon restent fondamentaux. Pourquoi est-ce que les pays africains doivent enseigner Fanon dans leur cursus? En quoi l'État algérien lui-même ne peut pas utiliser Fanon comme un simple emblème, puisqu'il viendrait hanter le fait que la révolution n'a pas eu lieu et que malgré le fait que l'Algérie ne doit pas tomber dans l'effort de l'impérialisme de refaire les cartes de l'Afrique du Nord, il est important que les gens redécouvrent cet homme qui était tout à fait extraordinaire, qui avait cette polyvalence et qui est le prototype de l'intellectuel organique engagé. Et donc le GRILA, comme la plupart des gens, aspire. Et aujourd'hui, comment il est perçu en Algérie? C'est un véritable héros parce qu'il n'y a pas beaucoup, hélas, de penseurs organiques qui sont encore vivants. Quelques-uns de ses contemporains existent encore. Et ils sont tous des nostalgiques, je crois, de cette ère. Et moi, j'ai été tout à fait enchanté de découvrir l'engouement qu'il y avait. C'est sûr qu'il y a une bataille sur l'emblème, une bataille nationale, une bataille culturelle, pour savoir qui a le monopole de Fanon. Mais j'engage tous les gens à relire Fanon et à le faire connaître aujourd'hui. Et on voit aussi que finalement, la France est très engagée à parler, à commémorer Fanon. Et c'est peut-être encourageant de le savoir. Bon, la France, je pense, a d'autres intérêts, mais pour nous, qui sommes Africains, qui avons adopté Fanon comme un Africain, c'est notre devoir de faire connaître la pérennité de son œuvre, et c'est ce que nous avons essayé de faire. So that wraps it up for us here on Amandla on CQT 90.3 FM. We invite you to return to us next week. We'll be continuing the discussion on the Afar, this time from a humanitarian perspective, what it is to be Afar living in the Horn of Africa today. In the meantime, I'd like to thank Avi, who, as usual, is so artful in his teching for Amandla, Aziz, Jean-Marc, and Maloud, and also a special thank you to David Lieber, who got the Afar interview up and running. He was a critical link in putting us all together for this discussion. So please stay tuned now for Jazz Euphoria. Voilà, donc c'était la fin de cette édition.